Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, la mystérieuse histoire de l'OVNI de Cergy en 1979. On les appelle UFO aux États-Unis, d'où l'ufologie, la science de ceux qui les étudient. Ici on dit OVNI pour objet volant non identifié. Certains parlent de MOC, M-O-C, pour mystérieux objet céleste. Une série d'acronymes pour qualifier un phénomène qui, en France, s'est invité avec fracas au cœur de l'actualité. C'était à la fin de l'année 1979. Le 26 novembre de cette année-là, à Cergy-Pontoise donc, un jeune homme, Franck Fontaine, disparaît. Deux de ses amis expliquent qu'avant cette disparition subite, ils ont vu tous les trois un objet volant non identifié. Voilà le point de départ d'une incroyable affaire qui va tenir la France en haleine pendant plusieurs mois et qui va mobiliser journalistes, institutions et bien sûr ufologues. Rapidement, tous les Français s'interrogent, s'agit-il d'un canular ou d'un phénomène paranormal? Quoi qu'il en soit, raconter cette histoire, c'est se plonger au cœur de ces énigmes à la frontière de la science, de la psychologie, des mythes, du secret d'État et des sourires narquois parfois que déclenche la croyance en l'existence d'une vie extraterrestre. Car tout de même, comment expliquer ces témoignages multiples à travers le monde qui affirment avoir vu des ovnis? Ce ne sont pas que des cerveaux dérangés tout de même. Comment comprendre ces récits tout aussi nombreux qui racontent leur rencontre ou leur enlèvement par des extraterrestres? Ils ne constituent pas l'annexe de l'hôpital psychiatrique non plus. Alors, comment la science, les gouvernements et les hommes se sont-ils interrogés et ont-ils fait évoluer leurs méthodes, leurs discours et leurs recherches ces dernières années? Ces questions, nous les poserons en seconde partie d'émission à Franck Morin, ufologue, spécialiste des ovnis donc, et auteur du livre « Les mystères du phénomène ovni » aux éditions de la Vallée Heureuse. Il est en duplex à Toulouse, dans les studios de France Bleu, que nous remercions pour leur accueil. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Maisonneuve avec l'appui des documentalistes de Radio France. Attaché de production, Laure Grand-Besançon, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice L'Aigle, à la technique aujourd'hui Clément Vuillet. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Cergy-Pontoise, 26 novembre 1979. Il est aux alentours de 6 heures ce matin-là, quand un coup de téléphone pour le moins intriguant vient rompre la routine de la gendarmerie locale. Un peu plus tôt, la police a reçu l'appel de deux jeunes hommes paniqués. Leur ami a disparu dans d'étranges conditions. Ils sont à la Cité de la Justice Mauve, au bout du boulevard de l'Oise, un nom et un lieu typique de ces villes nouvelles de la fin des années 70, en pleine construction entre ville et campagne, au milieu de nulle part. Les gendarmes arrivent sur place pour entendre Jean-Pierre Prévost et Salomon Ndiaye, les auteurs du coup de téléphone. Le premier a 26 ans et enchaîne le petit boulot au rythme des saisons et des opportunités. Il est aussi connu pour avoir été un peu anarchiste, version post-68, mais pacifiste. Le second est sénégalais. Il a 25 ans, il est arrivé en France 5 ans plus tôt. Il étudie la comptabilité, subvient lui aussi à ses besoins, coup de petit boulot, par-ci par-là. Voilà, à première vue, ces deux gaillards, même s'ils ont l'air un peu paumés, sont des jeunes gens, disons, comme les autres. Ce qui est moins classique, c'est ce qu'ils racontent aux gendarmes. Ce matin donc, ils se sont levés très tôt, aux alentours de 4 heures, pour aller travailler sur le marché de Gisors, à une quarantaine de kilomètres de Cergy. Ils étaient avec un troisième copain, âgé, lui, de 19 ans, un certain Franck Fontaine. C'est lui qui prend le volant d'un vieux break qu'un ami leur a prêté. Vu le piteux état du véhicule, il faut du temps pour lancer le moteur. Franck fait donc quelques tours et stationne la voiture en bas de l'immeuble, le temps que Jean-Pierre et Salomon descendent la marchandise. C'est à ce moment-là que Franck les appelle. « Hé les gars, regardez dans le ciel, là, au milieu des étoiles, un objet lumineux. » « Comme un faisceau blanc en forme cylindrique, disent les garçons. » La taille, 2-3 mètres de long et une dizaine de centimètres de large. L'objet descend lentement en direction du champ qui jouxte la centrale EDF. Puis, il passe derrière un immeuble et les trois témoins le perdent de vue. Jean-Pierre et Salomon continuent. Ça a duré peut-être 3 minutes. On s'est demandé ce que ça pouvait être. Un avion qui s'écrase? Non, il n'y a pas d'aile, pas de bruit. Une météorite, une étoile filante? Non, non, c'était trop lent. Une fusée de 14 juillet? Oui, peut-être, mais enfin, c'était quand même bien plus grand. Bref, les trois amis veulent en avoir le cœur net et surtout garder une trace de la chose. Alors Salomon et Jean-Pierre courent à l'appartement pour récupérer un appareil photo. Et Franck prend la voiture pour suivre l'objet vers son point de chute. Depuis l'appartement, c'est Salomon qui voit la suite. La voiture est arrêtée à côté d'un champ, derrière l'immeuble, quand tout à coup, il voit une grosse boule de brouillard entourer la voiture. Les deux amis descendent en trombe. La suite, c'est Jean-Pierre qui la raconte au journaliste quelques jours plus tard. Il y avait à hauteur de la portière, côté chauffeur, une petite boule qui était grosse comme ça. Solide ou... Que comme, je sais pas, comme une boule de, une balle de tennis, quoi. Une balle de tennis, ouais, qui ont quand même d'apparence et qu'une consistance, ouais. Mais toute blanche, très lumineuse. Et ce boule a fait le tour de la voiture. Et la portière s'est dans un premier temps ouverte et refermée. Et la voiture, a, comme si quelqu'un la mettait en route deux fois de suite, ça alors que c'est absolument impossible puisqu'il n'y avait plus de démarreur du tout. Et la voiture était totalement... La voiture, elle a absolument pas bougé, il n'y avait absolument rien d'anormal dessus. Et aucune trace de Franck. Absolument aucune trace, non. C'est assez, assez troublant. Après avoir écouté l'histoire de Jean-Pierre et Salomon, les gendarmes, sous les ordres du commandant Courcos, se rendent sur les lieux de la disparition de Franck. Mais ils ne remarquent rien de particulier. Les deux témoins sont ensuite emmenés à la gendarmerie. Séparés, ils complètent leur version des événements. La veille, ils étaient donc tous les trois dans l'appartement, ils ont regardé la télé et discuté jusque très tard. Tout corrobore entre le récit des garçons. On contrôle également s'ils ne sont pas alcoolisés ou drogués. Rien non plus. Non, tout est parfaitement net. Alors, comment interpréter cette incroyable histoire? Les gendarmes s'interrogent. Doivent-ils la prendre au sérieux? En même temps, quel serait l'intérêt de ces deux jeunes gens à raconter un tel scénario? D'autant qu'ils se mettent eux-mêmes en faute, puisque les gendarmes apprennent à l'occasion qu'ils conduisent sans permis et sans assurance. Toutes les hypothèses sont alors étudiées. Un meurtre qu'ils voudraient cacher? La ficelle paraît un peu grosse. Puis ils n'ont pas vraiment le profil de criminel. Et ce Franck Fontaine, avait-il des raisons, lui, de disparaître ou de se faire enlever? On pense à un moment qu'il voulait échapper au service militaire. Eh bien, fausse piste, parce qu'il pouvait se faire exempter. On ne lui connaissait pas non plus de mauvaise fréquentation. Perplexes, les forces de l'ordre ouvrent une enquête. On creuse du côté de Franck Fontaine et on réalise qu'il a laissé derrière lui une femme et un enfant de 2 mois. Sa mère, dont il est proche, l'assure, il n'avait aucune raison de fuir. Il était heureux, il avait à cœur de s'occuper de sa petite famille. On interroge alors le voisinage. Et il se trouve qu'une gardienne d'immeuble et un locataire se sont réveillés avec un sentiment de malaise aux alentours de 4h30 ce matin-là, oui. Et puis un garagiste a entendu un bruit de moteur étouffé dans ces eaux-là, 4h30. C'est intéressant, mais ça reste un peu maigre. 48 heures après la disparition, le gendarme Courcos fait un point sur la situation. Pensez-vous qu'il puisse s'agir réellement d'un ovni ? En tant que gendarme, je suis un petit peu sceptique. Nous n'avons rien trouvé. Nous avons hier soir passé les lieux au compteur Gégère, passé la voiture au compteur Gégère. Nous avons fait le test de la boussole pour voir s'il n'y avait pas des phénomènes magnétiques. Absolument rien. Nous avons contacté les radars de la région de Taverny, de Cormeil. Aucun phénomène n'est apparu sur les éco-radars. Il reste tout de même la disparition. Alors la disparition, elle est un fait réel. Et c'est vers cette disparition que tous nos efforts portent, c'est sûr. Disparu à cause d'un ovni. Et voilà les gendarmes à la recherche du troisième type au cas où celui-ci aurait fait une rencontre. D'emblée, la version de Jean-Pierre et Salomon intrigue la presse qui reprend et diffuse l'affaire. Les enquêteurs réalisent ainsi que la veille de la disparition, FR3 diffusait un numéro de son émission Les Mystères du Ciel consacré justement aux ovnis. Alors, est-ce que nos trois amis ont été influencés par l'émission? Ils y ont puisé la base de leur scénario? Eux assurent ne pas avoir regardé cette émission. D'ailleurs, ils ne se sont jamais intéressés aux ovnis ou aux extraterrestres. Ils n'ont lu aucun livre sur le sujet, ne connaissent rien à la science-fiction et n'ont pas vu le film à succès Rencontre du troisième type de Steven Spielberg sorti 2 ans auparavant. En tout cas, se dit la presse, voilà une belle opportunité de parler des activités paranormales. L'affaire de Sergi devient donc un moyen pour rappeler l'histoire des ovnis dont le public a entendu parler pour la première fois 30 ans plus tôt, en 1947. Le 25 juin de cette année-là, Kenneth Arnold, un aviateur, rapporte à des journalistes qu'il a aperçu 9 engins étranges de forme arrondie lors d'un vol au-dessus du Mount Rainier dans l'état de Washington. Les soucoupes volantes sont donc nées et la publication de l'article provoque une inflation de témoignages du même genre. Depuis, des vagues d'observations alimentent la chronique à intervalles réguliers. Face à la multiplication des recensements du phénomène à travers le monde, en 1977, 2 ans avant l'affaire de Sergi, les Nations Unies mettent les ovnis au programme de leur séance plénière. En France, c'est justement à la fin des années 70 que le phénomène s'impose avec les ufologues qui étudient ces étranges manifestations. Toujours en 1977, le Centre National d'Études Spatiales crée le GEPAN, acronyme du Groupement d'Études des Phénomènes Aérospatiaux Non Identifiés. Bref, l'OVNI a le vent en poupe. Et en 1979, l'histoire de Sergi sert de catalyseur. Et c'est aussi pour cette raison que les gendarmes prennent l'hypothèse OVNI au sérieux. D'autant que le 3 décembre, une information fait rebondir notre affaire. Franck Fontaine, le jeune disparu de Sergi Pontoise, est de nouveau chez lui ce soir. Une semaine après avoir mystérieusement disparu, il a réapparu ce matin dans des conditions tout aussi mystérieuses. Il nous dit donc qu'il était parti pour voir un objet qu'il avait cru être un avion qui tombait sur la centrale électrique de Sergi. Arrivé là, à la hauteur de la portière droite, il a vu arriver une petite boule de tennis. Cette petite boule de tennis s'est posée sur son capot. La voiture s'est entièrement enrobée de brouillard. Et à partir de là, il a commencé à avoir les yeux qui picotaient, et il s'est endormi. Alors, mon commandant, la question que tout le monde se pose, quelle est la part de vérité dans cette déclaration? Est-ce que c'est un canular remarquablement monté ou bien autre chose? Ça peut être un canular remarquable, bien sûr. C'est au moins pendant 3 heures, ils ont eu le temps de monter leur scénario. Alors, je ne veux pas dire que c'est un canular, parce qu'ils n'avaient aucun intérêt à monter un canular. Il y a quand même une disparition d'un individu pendant une semaine. C'est ça. Alors là, il y a une disparition d'un individu pendant une semaine. Ça, c'est un fait plus troublant. Nous avons pourtant battu la campagne et nous n'avons pas trouvé cet individu. Par contre, il faut être honnête, dans une ville de 100 000 habitants, on arrive à se cacher très facilement. Après 8 jours d'absence, voilà donc Franck Fontaine, le disparu, de retour. Les gendarmes ont appris la nouvelle par la radio aux alentours de 8 heures. Un appel anonyme qui affirmait que Franck Fontaine était revenu parmi les siens. Immédiatement après ce coup de fil, les gendarmes se rendent chez Salomon où ils trouvent effectivement Franck avec ses 2 amis, sa mère, sa femme et sa fille. On emmène tout ce beau monde au commissariat et une fois encore, séparés, les différents protagonistes racontent ce qui s'est passé. À 4h20, soit exactement la même heure que pour sa disparition, Franck Fontaine explique qu'il s'est réveillé au milieu du champ de choux, à côté de la centrale électrique, à l'endroit exact où il avait disparu 8 jours plus tôt. Enfin, lui ne savait pas qu'il avait disparu, mais au moment où il se réveille, il réalise que la voiture s'est volatilisée. Il fonce alors chez Jean-Pierre, qui ne répond pas, puis chez Salomon. Celui-là répond. Il lui ouvre, encore endormi, en pyjama. L'air paniqué, Franck Fontaine explique à Salomon qu'ils viennent de se faire voler la voiture et il lui demande ce qu'il fait en pyjama alors qu'ils sont censés aller au marché. C'est Salomon qui raconte. Il poursuit le récit. Il réalise à ce moment-là que son ami disparu vient de réapparaître. Il le prend dans ses bras et commence à lui expliquer qu'il s'est volatilisé pendant 8 jours. Oui, il lui montre les articles de journaux, la voiture sur le parking. Salomon fonce chercher Jean-Pierre et le réveille. À un moment, Salomon décide d'appeler la radio pour prévenir du retour de Franck. C'était donc lui l'appel anonyme. Les gendarmes s'interrogent une nouvelle fois. Enfin, pourquoi ne pas les avoir appelés normalement? Les jeunes se justifient. Ils voulaient se retrouver un peu avant d'aller à la gendarmerie et d'être interrogés. Soit. Les gendarmes notent que les versions des 3 garçons, mais aussi celles des proches, sont toutes identiques. Interrogé par les journalistes quelques heures plus tard, Franck Fontaine raconte. Je me suis endormi. Et j'ai senti la voiture bouger. Et pour moi, je me suis réveillé 1/4 d'heure plus tard, croyant qu'on avait volé la voiture. Alors je me suis rendu chez Jean-Pierre directement. Puis bon, lui, il n'était pas là. Alors j'ai sonné chez Salomon. Puis c'est là que j'ai appris que ça faisait 8 jours, j'étais parti. Et aujourd'hui, quelle est votre analyse de ce qui vous est arrivé? Moi, ce que j'en fais comme analyse, c'est que j'ai été enlevé parce que ce qu'on appelle des extraterrestres, ça, il n'y a aucun problème. J'ai pas rêvé une semaine. Ah non. Les trois hommes sont ensuite emmenés au palais de justice pour être entendus par le procureur de la République. Et là encore, aucune contradiction dans leur récit. Ils racontent tous la même chose, c'est bien, donc ils sont libres. De leur côté, les gendarmes sont désemparés et on les comprend. Tout de même, l'affaire est sérieuse. Si c'est un canular, Franck Fontaine et ses amis ont quand même mobilisé de nombreux moyens. Ils ont menti et peuvent être accusés d'outrage à magistrat. Au palais de justice, Franck Fontaine rencontre des membres du GEPAN, le groupement d'études des phénomènes aérospatiaux. L'équipe est composée d'un physicien, d'un biologiste et d'un médecin psychiatre. Il se présente comme le seul organisme habilité à enquêter sur les phénomènes ovnis et lui explique que son expérience les intéresse évidemment. Il propose à Franck de venir passer quelques examens dans une clinique. Franck et ses amis ne sont pas contre, mais bon, ils sont fatigués et puis ils préfèrent en parler le lendemain. Donc, le lendemain, 4 décembre 1979, les membres du GEPAN se rendent chez Franck Fontaine qui décline une nouvelle fois la proposition. Au cours d'une conférence de presse, le jeune homme s'explique. Je me souviens de rien tant que j'ai pas la garantie de l'État. De l'État. C'est-à-dire qu'on m'enfermera pas, qu'on va pas me faire subir des tas d'examens, enfin ceci, cela, tant que je suis sûr qu'on me blanchira pas, quoi, officiellement. Mais alors, il faut passer peut-être par des examens scientifiques pour ça, je crois que tu as refusé. Les examens, c'est du bidon pour moi, parce que, bon, bah, j'aurais proposé, j'ai discuté avec des scientifiques qui sont reconnus par l'État. Moi, écouté une demi-heure, ils étaient fatigués, alors que j'étais prêt à engager une conversation qui pouvait très bien durer toute la nuit. On avait parlé d'hypnose, pendant laquelle ils pouvaient vérifier ouais, ce qui... Jean-Pierre était hypnotisé. Mais toi, pas ? Non, non, moi, non. Bah, si, moi, je veux pas qu'on sache... Curieuse attitude. Cela dit, peut-on attendre autre chose d'un homme qui vient d'être enlevé par des extraterrestres ? Franchement. Quoi qu'il en soit, le mystérieux retour de Franck Fontaine donne une toute autre portée à l'affaire de Sergy Pontoise. Une affaire qui n'est pas prête de s'essouffler, car nos trois amis, ce même 4 décembre 1979, font une autre rencontre qui se révélera déterminante. She packed my bags last night, pre-flight. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Fact is cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, and I think it's gonna be a long, long time, and I think it's gonna be a début du mois de décembre 1979, Après le retour de Frank Fontaine, ce jeune homme de 19 ans qui assure avoir été enlevé par des extraterrestres pendant 8 jours, la ville nouvelle de Cergy-Pontoise est en pleine ébullition. Divisée en deux camps, d'abord, entre ceux qui croient Frank et ses amis et qui se sont mis eux aussi à voir de curieux phénomènes dans le ciel, et puis les autres qui les accusent d'avoir tout inventé. Bref, les croyants d'un côté, les rationalistes de l'autre. Rapidement, le monde entier s'empare de l'affaire de l'OVNI à Cergy. Oui, des articles paraissent dans des journaux sérieux, anglais, américains. Devant le commissariat ou l'appartement de Frank, des centaines de journalistes font le siège. On remarque aussi la présence de Michel Vuaïa, responsable régional du mouvement raélien, du nom de Claude Raël, un hurluberlu avec lequel les extraterrestres seraient entrés en contact pour préparer leur venue sur Terre. Évidemment, pour les trois garçons, la vie devient rapidement compliquée. Alors ils restent cloîtrés chez eux, car dès qu'ils mettent un pied dehors, ils sont assaillis par des journalistes ou moqués par les passants. Ils ne peuvent plus faire les marchés et ils se retrouvent bientôt sans un sou. Heureusement, un homme est là pour les aider. Nous avons acquis la certitude, mais vraiment la certitude absolue, que c'était vrai, puisque tout se recoupe. Et il a vraiment été dématérialisé par un engin qui l'a transporté Dieu sait où et qui l'a ramené 8 jours plus tard, comme la chose a été dite, au même endroit. Ce n'est pas un cas unique. J'ai réagi immédiatement lorsque Franck est reparu, c'est parce que moi, cela me paraissait tout à fait naturel. Et c'est naturel. L'homme qui parle sur France Inter s'appelle Jimmy Guyeux. Journaliste de radio, écrivain de science-fiction au succès confirmé, il est aussi ufologue et a fondé, voilà 3 ans, l'IMSA, l'Institut Mondial des Sciences Avancées, un organisme non officiel qui traite de tous les phénomènes paranormaux et irrationnels. Pour Jimmy Guyeux, c'est sûr, des intelligences du dehors, comme il les appelle, nous visitent, et ce depuis la nuit des temps, dans le but de délivrer un message aux hommes. Avec l'IMSA, il sillonne la France à la rencontre des témoins de ces phénomènes. Inévitablement, dès le départ, il se montre très intéressé par l'histoire de Frank Fontaine et de ses deux amis. Une vraie prise de guerre, pensez donc. Le 4 décembre 1979, au lendemain de la réapparition de Frank, il se rend donc à Cergy-Pontoise pour faire la connaissance des trois jeunes hommes. Avec un certain sens de la communication et pas mal de charme, Jimmy Guyeux parvient à rencontrer directement Frank Fontaine et ses deux amis. Accompagné d'un hypnotiseur, Daniel Huguet, il est invité chez Frank dès le 4 décembre. Il leur explique ce qu'est l'IMSA, il leur parle aussi des possibilités offertes par l'hypnose pour retrouver les souvenirs perdus et renouer la communication avec les intelligences du dehors. Les jeunes gens sont plutôt convaincus, mais Frank Fontaine, l'enlevé, refuse de passer par l'hypnose. Jean-Pierre Prévost, lui, accepte. Ils réalisent ensemble une première séance à Cergy, au cours de laquelle Jean-Pierre Prévost parle d'un élément, une voix féminine, dont Frank Fontaine s'était lui aussi souvenu, mais qu'il n'avait pas mentionné. Après cette première expérience, l'ufologue leur propose de se rendre à Aix-en-Provence pour continuer leur travail. Durant un mois, il enregistre les séances d'hypnose de Jean-Pierre Prévost. L'une d'elles a été enregistrée. Comment ils sont ? Ils sont grands, ils sont petits, ils sont maigres, ils sont gros, ils sont comment ces personnages ? Non, ils sont beaux. Ils sont beaux ? Ouais. Ouais ? De la même taille que nous. Oui, qu'est-ce qui se passe après ? Ben, Franck, il est assis à côté d'eux, mais il dort. Il est assis à côté d'eux, mais il dort. Dans l'engin. Dans l'engin. Oui, il est venu comment ? Est-ce que tu l'as vu venir, arriver ? Non, c'est la femme que tu le cherchais. Mais elle le porte, Non. Elle a mis l'appareil et il pèse plus rien. Elle lui a mis l'appareil et il pèse plus rien. C'est un petit peu les mêmes suggestions que je t'ai fait tout à l'heure. Ouais, c'est pareil. Ouais. Ouais. Voilà la grande découverte de Jimmy Guyeux révélée par l'hypnose. En réalité, le contacté, comme il dit, n'est pas Frank Fontaine, celui qui a été enlevé, mais Jean-Pierre Prévost, son ami qui a vu l'OVNI avec lui. De son côté, Frank Fontaine a commencé à noter dans un carnet les réminiscences qui apparaissent dans son sommeil depuis son retour. Maintenant, il se souvient qu'il s'est retrouvé dans une pièce, oui, comme un laboratoire, où il a vu des petites sphères lumineuses qui, à un moment, se sont mises à lui parler, des voix masculines et féminines qu'il comprenait. Il a commencé à échanger avec elles. Elles lui ont fait une promesse. Nous donnerons à l'homme le moyen de créer des vaisseaux pour qu'il puisse voyager à travers la galaxie. Sympa, merci. De son côté, Jean-Pierre, le contacté, est encore plus précis. Au cours de ses séances d'hypnose, il explique avoir été en contact avec un dénommé Orio, qu'il décrit en ces termes. Un visage très allongé, avec un très grand front, jeune, environ 1m80. Orio lui aurait délivré un message. S'ils sont entrés en contact, c'est pour le bien de l'humanité qui court à sa perte. Les extraterrestres sont là pour que l'homme se rende compte de la fragilité de la planète Terre et de la fraternité nécessaire pour pouvoir progresser. Bref, il est tombé sur des écolos, des vrais. Pour Jimmy Gueux, c'est sûr, ces trois garçons n'ont pas pu inventer tout ça. Ils le vivent vraiment, ils doivent absolument partager leur expérience. Il leur propose donc d'écrire un livre. Jean-Pierre Prévost explique. Vous dites que vous êtes en contact. En contact avec qui exactement? Avec ce que les gens appellent des extraterrestres, que Jimmy Gueux appelle les intelligences du dehors, et qui sont pour moi des gens d'une autre civilisation que la nôtre. Et c'est quelque chose de bien concret, ils existent et j'ai contact avec eux, ouais. Il n'y a eu absolument aucune implication commerciale dans tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. C'est pour ça qu'on a accepté l'IMSA, parce qu'on a eu d'autres propositions beaucoup plus intéressantes. On a des gens qui sont venus en nous disant, qui s'en foutaient complètement de ce qu'on avait vécu. Eux, on a vécu un truc, ça avait fait la une de l'actualité, et ils étaient prêts à écrire un bouquin, mais peu importe. Franck pouvait rajouter qu'il avait fait l'amour avec une martienne, il pouvait dire ce qu'il voulait, c'était pas le problème. On a accepté uniquement avec l'IMSA, parce que c'est le côté scientifique qui est ressorti en premier. Finalement, l'ouvrage sort en avril 1980, 5 mois après le début de l'affaire. Une publication qui ne manque pas de faire réagir. On continue de crier au canular et on dénonce l'entreprise marketing de l'opération. De surcroît, les protagonistes ont refusé de voir le GEPAN, l'institution qui s'occupe de ces phénomènes. Un GEPAN, plutôt, qui a mené son enquête et croit, lui aussi, de plus en plus au canular. Et on ne comprend pas très bien pourquoi la presse continue de relayer cette histoire, sauf pour faire vendre, bien sûr. En même temps, les trois hommes ont quand même l'air très convaincants, et puis on ne peut pas tenir un mensonge si longtemps. Pourtant, même certains spécialistes de l'ufologie remettent en cause la véracité de cette histoire, comme Jean-Claude Bourret, journaliste passionné par la question. Alors, l'affaire de Sergi Pontoise est une affaire pour laquelle nous avons eu des doutes au départ. Et cela s'explique dans la mesure où nous savons maintenant qu'il y a dans l'environnement de ces trois jeunes gens de très grands spécialistes objets volants non identifiés qui ont monté véritablement une affaire. Nous sommes en train de démonter cette manipulation qui a été réalisée et je crois que en cette année 1980, nous aurons le fin mot de l'histoire et il ne serait pas impossible d'ailleurs que cela débouche sur des inculpations. Voilà, l'affaire de Sergi aurait pu s'arrêter là, mais elle va connaître un rebondissement, un vrai. Pour la promotion du livre, les protagonistes de notre histoire sont invités dans l'émission Temps X de TF1, présentée par les frères Bogdanov. Sur le plateau, on assiste à une scène surréaliste. Franck Fontaine et ses amis sont là, avec Jimmy Gueux qui explique la rencontre avec Orio et son message. À côté, Daniel Huguet est en train d'hypnotiser Jean-Pierre Prévost. Ce dernier rappelle qu'Orio, l'extraterrestre, a fixé un rendez-vous aux hommes. Ce sera le 15 août 1980. Ils reviendront à Sergi. Les frères Bogdanov l'interrogent à ce sujet. Jean-Pierre, est-ce que vous avez la conviction que ce rendez-vous du 15 août 1980 est le véritable rendez-vous, celui qui fera la décision, rapidement? Très rapidement. Honnêtement, je ne sais pas. Honnêtement, j'ai une confiance aveugle en tout ce qui m'a été dit, parce qu'à maintes reprises, ils nous ont fait démonstration que c'était véridique. En plus, j'ai une confiance aveugle parce que ces gens-là, enfin ces êtres, qui nous apportent, comme disait Jimmy, la possibilité de se sortir de la situation dans laquelle on est, ils pourraient très bien nous laisser tel qu'on est. Donc, oui. Puisqu'ils viennent nous aider, il n'y a pas de raison de ne pas leur faire confiance. Et je ne pense pas que s'ils ont avancé une date qui est si proche de nous, puisqu'elle est au mois d'août de cette année, je ne pense pas que ce soit pour faire une blague. Et le 15 août 1980, 9 mois après le début de cette histoire, 2000 personnes se rendent à Sergi Pontoise. Certaines campent même devant le champ de choux, là où a disparu Franck Fontaine depuis plusieurs jours. Ils sont là à l'appel de Jean-Pierre Prévost, Franck Fontaine et Salomon Ndiaye, trois inconnus hier, un peu paumés, aujourd'hui, en tête d'affiche. Et ce n'est pas tout. Dans le Jura également, on se réunit au même moment pour voir des ovnis, car à côté d'un village, il y a un tunnel qui, selon Jean-Pierre, serait une base d'extraterrestres où Orio l'aurait emmené. Un habitant du village voisin raconte. Un certain nombre de personnes ont affirmé avoir vu un objet volant avec une lueur tout autour. Ils l'ont suivi pendant quelques instants dans le ciel. Par déduction, on a dit que c'était déjà des éléments qui venaient en reconnaissance vers ce tunnel. on annonce que c'est maintenant une base d'OVNI. Qui est-ce qui annonce cela? Eh bien, les fameux de Cergy-Pontoise. Si ce tunnel a été désigné par les gens de Cergy-Pontoise, ça s'explique. Hein. Ces gens ont été moniteurs à la colonie de vacances de Bourg-de-Sirot, à l'autre bout du tunnel. Mais personne ne viendra, ni à Cergy, ni dans le Jura. Ce n'est que partie remise, affirme Jean-Pierre Prévost et Jimmy Guyot, vous verrez. Bien, alors un autre rendez-vous est fixé. Ce sera le 15 août 1983, toujours à Cergy-Pontoise. Sauf qu'entre-temps, la petite équipe se disloque. D'abord, le GEPAN publie un rapport d'enquête dans lequel il confirme ses doutes et parle d'affabulation. Et il n'y aura pas de grand soir des extraterrestres en juin 1983. Jean-Pierre Prévost se décide enfin à dire la vérité. 2 mois avant le prochain rendez-vous, il révèle que toute cette affaire n'était qu'un vaste canular, que c'est lui qui a tout pensé avec ses amis, qu'il a caché Franck Fontaine chez un copain pendant 1 semaine, mais il se justifie. Il a fait ça pour attirer l'attention et rassembler les gens autour d'un message de paix. S'il le révèle 3 ans après, c'est parce que le délai de prescription pour outrage à magistrat est passé, il ne risque plus rien. Bien joué. Problème tout de même, si Jimmy Guyot ni Franck Fontaine, eux, ne reviennent sur leur version. Ils y croient encore dur comme fer, évidemment, c'est un peu gênant, et pourtant c'est vrai. Salomon, lui, ne donne pas de nouvelles. Si bien que le 15 août 1983, alors que le canular a été révélé par l'un des principaux acteurs de cette histoire, de nouveau l'information du rendez-vous de Cergy est relayée par le journal de 20h et de nouveau des centaines de personnes s'y rendent. Un reporter est sur place. Il n'y a aucune certitude, mais disons que tous les gens qui sont réunis autour de moi actuellement et toute la journée, eh bien, sont là pour voir une soucoupe volante à 21h normalement. Et... Là, je vois que vous êtes équipé, vous avez un magnétoscope portable, vous avez une grosse caméra. Vous pensez vraiment pouvoir les filmer ? 2 jours, j'espère, pas de nuit, parce que je ne suis pas équipé au niveau pellicule. Est-ce que vous avez déjà vu des ovnis ? Oui, j'en ai vu une fois, mais très rapidement, et je me suis pas précipité à la gendarmerie comme font les gens d'ailleurs, j'ai gardé ça pour moi. Non, j'ai vu une soucoupe volante au bout de mon jardin, simplement, mais c'était un... Je peux pas dire que ce soit une soucoupe volante, disons que j'ai vu un objet lumineux. Très difficile à déterminer exactement ce que j'ai vu. Ça peut pas être un feu d'artifice ou quelque chose, ou un briquet ou... Non, pas du tout, absolument pas, c'était pas le 14 juillet. Des années plus tard, Franck Fontaine l'a enlevé. Assurera toujours avoir été retenu par des extraterrestres au cours du mois de novembre 1979. Une manière de montrer que cette affaire peu commune aura largement marqué ses acteurs, et pas que. Une histoire qui, par son traitement médiatique et ses rebondissements, aura mis en lumière une fois encore l'attrait des hommes pour la vie extraterrestre et cette éternelle question qui, avouons-le tout de même, ne manque pas de poésie. Sommes-nous seuls ? And dance with me like an alien. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le disparu de Sergi, avec notre invité en direct de Toulouse, Franck Morin, bonjour. Bonjour. Vous êtes ufologue, spécialiste des ovnis donc, et auteur du livre « Les mystères du phénomène ovni » aux éditions La Vallée Heureuse. Alors, vous venez d'écouter ce récit, peut-être avez-vous noté une certaine légèreté dans le ton, d'abord parce que souvent, dans Affaires sensibles, on raconte des histoires dramatiques, hein. Donc là, c'est pas une histoire dramatique, ça fait du bien aussi de temps en temps. Et puis, c'est vrai que il y a aucune moquerie concernant les ovnis, bien sûr. Moi, je trouve qu'il y a même beaucoup de poésie dans cette affaire-là, et peut-être pouvons-nous faire partie des gens qui aimeraient que ça existe, parce que ça apporterait beaucoup de poésie, finalement. Peut-être l'homme est-il trop vaniteux pour penser qu'il existe d'autres formes de vie plus intelligentes que lui, je ne sais pas. Mais je vous pose deux questions d'abord, pour lever toutes les hypothèques, si tant est que ce soit possible sur un sujet pareil. Y a-t-il une vie extraterrestre? Première question. Est-ce qu'il existe une vie extraterrestre actuellement? Ben, c'est ce que les chercheurs d'exoplanètes essayent de trouver par des méthodes scientifiques en dénombrant ces exoplanètes. Actuellement, on en a à peu près 4000. Et l'idée est de savoir si elles sont dans une zone habitable. Pardon, de toute façon, elles ne sont pas dans le système solaire, ça c'est clair. Enfin, le système solaire, c'est une goutte d'eau dans l'univers, hein, finalement. Donc, elles seraient hors du système solaire. Quelles sont les conclusions auxquelles les scientifiques, pour l'instant, sont arrivés sur l'éventualité d'une vie donc extraterrestre, extra-système solaire? Où pourrait-elle se trouver? Dans quelles conditions? Si on fait un point des connaissances à l'heure actuelle, on estime qu'il y a au moins une exoplanète en moyenne dans notre galaxie par étoile, ce qui ferait plus ou moins 200 milliards. Et à l'échelle de l'univers, ça devient immense, puisqu'on estime à date qu'il y a 10 puissance 22 étoiles, ce qui vous laisse une idée du nombre de planètes qui pourraient exister. Et après, la question est de savoir quel est le pourcentage de planètes habitables dans cette masse. Et d'après ce que les scientifiques en disent, c'est un pourcentage quand même significatif. Dans le dernier scientifique, il disait 10%, mais ça n'a aucune valeur scientifique, ça peut varier du jour au lendemain. Mmh. Après, la question à se poser, est-ce qu'il existe de l'eau ailleurs dans l'univers? On en a déjà trouvé sur des corps célestes dans notre propre système solaire, sur la Lune, sur Mars, sur Ganymède et d'autres. Et on estime à date que la présence d'eau serait abondante dans l'univers. Donc ça veut dire présence d'eau égale présence de vie? Pas forcément. Ah oui. Disons que après il reste les ingrédients nécessaires à la vie. On vient d'en détecter sur la comète Chury. Donc tous ces indices laissent supposer que la vie est possible ailleurs. Mmh. Mais à date, on n'a pas pour l'instant détecté de vie ou de vie intelligente ailleurs dans l'univers. Peut-être que les prochains programmes spatiaux, par exemple le télescope James Webb, ou les autres programmes de recherche de la vie, par exemple celui lancé par Stephen Hawking, permettront d'apporter des réponses à cette question, notamment en trouvant des biosignatures ou des structures artificielles. Alors, deuxième question, Franck Morin, corollaire de la première, évidemment. Sommes-nous visités? Sans savoir, bien sûr. Alors, c'est une grande question. Est-ce que il se cache une autre forme de vie intelligente derrière le phénomène ovni? Mmh. Si vous voulez, on peut partir des faits. On dit, comme vous l'avez précisé avec Kenneth Arnold, l'année 1947 marque la première observation massive moderne. Kenneth Arnold était un pilote, effectivement, qui a vu 9 objets se déplaçant à 2000 km par heure, d'après ses estimations. Et ce qui est très curieux, c'est qu'il soit en formation de 9, et qui volait à une vitesse qui était déjà supérieure à un record mondial qui n'était pas encore établi, parce que c'est 3 mois plus tard qu'un Bell X-1 va fixer un record à 1300 km par heure. Ça, c'est pour la petite histoire, mais elle s'inscrit dans un autre contexte, c'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait des observations massives d'ovnis sur le territoire américain, au Canada, et c'est le rapport de Ted Butcher, un homme qui a réussi à réunir 850 articles de journaux en parlant pour la période du 15 juillet au 15 juin 1947. Et parmi ces 800, ces 850 cas, Il y en avait 250 qui étaient considérés comme multidocumentés, puisqu'on avait plusieurs témoins crédibles. On avait des témoins multiples, des policiers, des pilotes, des scientifiques, des ingénieurs, des notables, enfin des personnes qui n'avaient pas raison de mentir. Et en grande quantité, parce qu'on a vu, par exemple, une foule de 60 pique-niqueurs qui a déclaré avoir vu plusieurs formations de disques volants. Ça, c'était le début. Alors, oui, ils disent disques volants, mais sont-ce des disques volants? Ça peut être autre chose, ça peut être des phénomènes naturels. C'est toujours là, la question. Oui, alors il convient de préciser que, parce qu'on pense souvent aux disques volants, aux flying disques, mais pendant cette vague de 1947, il y a des formes très disparates aussi qui ont été observées. C'est-à-dire qu'il y avait des sphères, des œufs, des cigares, des triangles, des rectangles, comme par exemple l'astronome William Clyde Tombaugh, qui était découvreur de la planète Pluton, a dit avoir observé en famille une scie rectangle alignée dans le ciel. Franck Morin, d'ailleurs, on va écouter une référence, le grand physicien Jean-Claude Pecker, qui déclarait ce que vous allez entendre, ce que nous allons tous entendre, ceci, et c'était en 1961. Comme il y a des milliards d'étoiles dans la galaxie et des milliards de galaxies dans l'univers, vous pouvez faire une petite multiplication mentale et voir que la chance pour qu'il y ait des planètes où la vie soit possible est très grande, très considérable, et je fixe ce nombre certainement en milliards ou en milliards de milliards. Oui, mais comment expliquez-vous les soucoupes volantes ? J'explique pas les soucoupes volantes, parce qu'il y a deux choses. Il y a d'un côté la vie extraterrestre, et d'un autre côté, il y a les possibilités de communication avec cette vie extraterrestre. Alors, moi, j'ai jamais vu de soucoupe volante, je ne connais personne en ayant vous vu. Vous ne croyez pas à ceux qui ont pu les voir? Non. Bon, je pense qu'il peut un jour y avoir des soucoupes volantes. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y en a pas eu. Je peux vous donner un exemple très clair, si j'en ai encore le temps, si vous m'en laissez encore le temps, vous de l'expérience que j'ai faite. À Nice, il y a 5 ans, le 16 août 1966, très exactement, il y a eu une météorite qui a explosé. Nous avons demandé des témoignages pour pouvoir calculer l'orbite de cette météorite. Nous avons reçu environ 300 témoignages, plus ou moins précis, mais les gens étaient honnêtes, ils ont observé vraiment un certain nombre de choses, ils ont vu ce qu'ils ont vu, ils l'ont dit. Aucun doute là-dessus, la météorite a été calculée, son orbite a été calculée, on a trouvé son point d'impact, et on a retrouvé ensuite des fragments météoritiques. Le phénomène était un phénomène astronomique classé, clair, sans bavure. Bien. Sur les 300 témoignages, 10 nous ont dit, nous avons vu clairement la soucoupe volante. Ils l'avaient vu au bon endroit. Ils avaient bien décrit, c'était bien au bon moment. Ils avaient bien observé le bon phénomène. Sur les 10, 3, c'est un gros pourcentage. Ils ont fait un dessin avec des hublots. Et le classique soucoupe volante, c'est ça qu'ils avaient vu. Leurs trois dessins concordaient, à peu près. Alors, comment expliquez-vous qu'ils aient vu ? J'explique, s'ils avaient vécu 1000 ans avant, ils auraient vu une épée dans le ciel. Intéressant, hein, Franck Morin, ce que dit ce physicien, qui, vous avez vu, il ne ferme pas la porte. Mais bon, il a un comportement de scientifique, donc de rationaliste, et il ouvre le champ des possibles. Mais il faut le lire entre les lignes aussi. Faut aussi peut-être se pencher sur... Non pas l'état mental des gens qui témoignent, mais peut-être leur état à ce moment-là. On dit qu'il peut y avoir d'autres explications qui font que des gens ont vu quelque chose et même en même temps, mais qui ne seraient pas vraiment ce qu'ils ont vu. Voilà. Pour répondre à ces questions, il faut s'adresser aux organismes qui étudient le phénomène OVNI et les déclarations de témoins sur des échantillons assez larges. En France, on a le GEPAN, par exemple, qui est rattaché au Centre National d'Études Spatiales de Toulouse, qui récolte les cas de phénomènes aérospatiaux non identifiés, qui les classe en 4 catégories, A, B, C ou D, donc identifiés, probablement identifiés, C non classable faute de données, et les D, c'est les plus curieux, puisque c'est là où il y a le plus d'indices de crédibilité, comme des témoins multiples, des enregistrements radar, des photos, vidéos et autres, et qui sont inexpliqués. Et sur une période large, ce pourcentage de panne D va de 9 à 25% en général selon les époques. Alors, oui, et d'autres organismes dans le monde confirment, comme le GARPAN au Canada, sur une étude large, qu'il reste toujours un résidu de cas inexpliqués. Et parmi ces cas inexpliqués, certains sont particulièrement troublants. Par exemple, certains rapports militaires américains, comme Opinion Concerning Flying Disc, un document d'un général Twilling de l'US Air Force, dès 1947, écrit que le phénomène OVNI est une chose réelle, non fictive ou résultant de vision. Et il cite les caractéristiques de ces objets. Je vous les lis très rapidement. Oui. Objets volants en forme circulaire elliptique, parfois comportant des dômes, taux de montée extrême, grande maniabilité, manœuvre évasive, surface métallique, absence de traînée d'échappement, formation de 3-9 objets et déplacement silencieux. Voilà un peu le profil type de ce qui est observé par le grand public aux États-Unis, par exemple dans les années 47, et confirmé ensuite par des rapports officiellement déclassifiés. Oui, mais la question que vous devez certainement vous poser, vous aussi, c'est que c'est pas parce que il y a des phénomènes inexpliqués, on a parlé aussi de traces étranges dans des champs, je crois au Brésil, on peut pas mettre au crédit, si je puis dire, de l'existence des extraterrestres, des phénomènes qu'on n'explique pas. C'est trop facile. Bien sûr. Quand on a ces cas d'objets volants qui sont observés, en général, il y a trois thèses qui ont été avancées pour les expliquer. Les thèses sceptiques, les thèses militaires, donc celles d'engins secrets, ou alors les thèses extraterrestres qui, et chacune d'entre elles, se découpent en plusieurs écoles de pensée. Les écoles sceptiques pensent que c'est effectivement dû à des confusions, à des hallucinations, ou à des canulars. Concernant celui dont vous parlez ce soir, effectivement, c'est un canard très sophistiqué parce que trois affabulateurs se sont mis d'accord pour monter tout un scénario. Il faut savoir que les canulars, en fin de compte, sont très rares. Absolument, le GEPAN indique sur son site que seuls 1% des cas lui étant rapportés ont été identifiés comme des canulars. Dès qu'il y a un rapport officiel, que ce soit la gendarmerie au GEPAN ou près des associations ufologiques en France, dès que c'est officiel, qu'il y a un entretien face à face et de l'écrit, le taux de canulars baisse drastiquement. On a par contre beaucoup de canulars sur Internet où il y a des fausses vidéos qui circulent. Oui, ça forcément, Internet c'était un péril pour vous, hein, pour tous les ufologues, parce que c'est quand même le vaste champ des fantasmes aussi, des manipulations. Je note quand même que même si on a raconté l'histoire de canulars, vous avez tout à fait raison, et c'est une information que nous avions aussi, hein, c'est parfaitement marginal le canular. Mais je note quand même qu'au début des années 70, la question des ovnis, l'ufologie se développe en France. D'ailleurs, c'est en 75 hein, qu'il y a un grand congrès de l'ufologie, il y a la création du GEPAN, l'ONU inscrit les ovnis dans le cadre de ses conférences. Comment vous expliquez-vous cette évolution? Est-ce que parce qu'il y a une inflation de phénomènes, de témoignages, ou est-ce que parce que par honnêteté intellectuelle, il y a un moment où on se dit on va arrêter de rejeter ce qu'on ne comprend pas, il y a peut-être d'autres vies et il faut s'y ouvrir? C'est surtout les faits qui ont conduit le grand public et certains médias à s'y intéresser, parce que après 1947, en 1954, il y a une grosse vague d'observations, notamment en France et en Italie, où chaque jour dans la presse régionale et la presse nationale, on voyait des témoins qui parlaient d'observations de formes diverses et variées, et parfois avec des cas de très haute crédibilité. Mmh. Alors pour l'anecdote, en 1954, sur un stade de football à Florence, 10 000 spectateurs ont vu deux objets en forme de soucoupe brillante qui zigzaguaient. Et après, c'est observé aussi par d'autres milliers de témoins sur toute la ville. Et donc là, quand on a une telle masse de témoignages, on peut douter que ce soit une hallucination. Et après, on a eu d'autres vagues. Il y a notamment des pilotes militaires qui ont été impliqués. En France, en 73, deux pilotes d'hélicoptères militaires ont déclaré être dépassés par un dirigeable gris, silencieux, sans hublot, qui volait à 9000 km par heure. Donc là, on est au-dessus du record mondial de vitesse pour un vol habité, fixé par un North American X-15 à 7200 km par heure en 1967. En 75, il y a le Jacques Crin, donc qui est un pilote qui faisait une mission nocturne sur Mirage 3C et qui a aperçu un cigare de 30 à 40 mètres qui est apparu trois fois pendant la nuit. Il y a un autre pilote qui a confirmé les faits. Vous parliez de Jean-Claude Bourret, il avait animé une émission en 1974 en invitant le ministre de la Défense, Robert Gallet, qui avait dit reconnaître qu'il y avait des observations visuelles de phénomènes lumineux tantôt sphériques ou tantôt ovoïdes qui se traduisent par des déplacements extraordinairement rapides, pour reprendre ses propres mots. Alors, toute cette masse de cas a entraîné une question qui est, est-ce que il y a une réalité derrière le phénomène et le fait qu'il y avait une multiplicité avec des témoins crédibles. Bon, c'est pour ça qu'on a ouvert la question. En tout cas, c'est pris au sérieux, puisque en 1985, Ronald Reagan, qui était le président américain à l'époque, a prononcé un discours devant l'ONU, et alors il lui a parlé de menaces d'invasion extraterrestre pour parler des relations avec l'Union soviétique et de l'éventuelle relance d'une coopération. Alors pourquoi fait-il ce comparatif avec les extraterrestres? Ben, je ne sais pas, mais en tout cas c'est saisissant, on va l'entendre. In our obsession with antagonisms of the moment, we often forget how much unites. Dans notre réflexion sur les antagonismes du moment, on oublie souvent à quel point l'humanité est unie. Peut-être avons-nous besoin d'une menace universelle extérieure pour reconnaître enfin nos limites. Il m'arrive de penser comment toutes nos différences entre nations disparaîtraient si nous devions faire face à une menace extraterrestre venant d'un autre monde. Bon, Ronald Reagan a non seulement joué dans des films, mais probablement regardé trop de films. En tout cas, les films américains qui nous présentent souvent les extraterrestres comme d'affreux Jojo qui en veulent à notre terre, à nos vies. Mais il y a quelques semaines, est sorti sur nos écrans le film intitulé « Premier contact » de Denis Villeneuve, alors énième représentation cinématographique d'une rencontre entre les hommes et les extraterrestres. Mais l'intérêt du film de Villeneuve réside à l'inverse de nombreux blockbusters, dans la passivité. Même la placidité de ces ovnis qui un beau jour débarquent sur la planète Terre sont là, ils sont impassibles. S'ouvre alors une réflexion autour de la communication à établir entre eux et nous, et c'est sur le mode pacifique, écologiste. Qu'est-ce que vous pensez de cette représentation? Parce qu'elle est importante, la représentation au cinéma de ces phénomènes-là pour votre activité à vous et pour votre crédibilité. Au cinéma, en général, les scénaristes de science-fiction imaginent l'extraterrestre très souvent plutôt comme un être malveillant et nuisible. Ouais. D'autres le voient comme neutre, amical. Quoi qu'il en soit, on n'observe pas de comportement agressif dans le phénomène OVNI, ni hostile. Si ça vient réellement d'ailleurs. Et concernant le traitement au cinéma, bah effectivement, c'est intéressant d'aller voir ces films. Ça ouvre, ça distrait, puis ça ouvre parfois l'esprit sur d'autres questions. Franck Morin, vous vous considérez comme un scientifique, comme un, je sais pas, un scientifique ou pas? Plutôt comme un généraliste, puisque l'ufologie n'est pas forcément considérée comme une science, mais au carrefour de toutes les autres, puisque dans une étude d'un cas ufologique, on peut avoir à étudier l'histoire, des textes anciens, mais aussi des comptes rendus de tracés radar. On peut être amené à faire de l'aéronautique, de la physique, donc ça touche un peu à tout. Mais comment vous vivez le fait qu'il puisse y avoir pas mal de sourires narquois autour de ce qui est quand même tout à fait respectable? Je veux dire, c'est une passion, ce sont des études, hein, vous étudiez, vous voulez essayer de connaître la vérité autour de ces mystères. Comment vous gérez le regard des autres? Bon, en fin de compte, contrairement aux idées reçues, quand j'en parle, je vois quasiment jamais de sourire narquois. Ah bon, vous avez de la chance? Vous avez de la chance. En tout cas, c'était pas le cas dans cette émission, c'est clair. Mais ah, vous avez de la chance, parce que moi, je trouve qu'il y a beaucoup de sourires quoi autour de ça. Enfin, en fin de compte, effectivement, si on parle des canulars, ça peut faire rire. Mais en fin de compte, moi, je travaille que sur les dossiers sérieux. Ouais. Et par exemple, pour des personnes qui voudraient s'intéresser au phénomène ONI, je conseille de lire le rapport Cometa, qui a été publié en 1999 par des généraux français, et qui fait un état des lieux du phénomène, qui fait une analyse technique de cas français et étrangers, qui soient bien connus, oui, et qui essayent de voir les conséquences. Donc c'est une bonne introduction, par exemple. Et ben, on va suivre le conseil, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Franck Morin. Vous étiez à Toulouse. Merci, au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la disparition de Sergi, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles.